58. Extension du domaine de la rareté. Lu par Poussin-San. Extension du domaine de la rareté. Si le mélange de technologie et de législation à l'œuvre dans le cas de la culture et des semences OGM est la forme la plus aboutie de l'offensive contre l'abondance, cette dernière est le plus souvent menée grâce à la simple extension des domaines couverts par la propriété intellectuelle. La multiplication des brevets portant sur des domaines qui en étaient exempts interdit ainsi la copie et l'imitation, là où elle était monnaie courante. C'est aux États-Unis que cette tendance au tout-brevet est la plus forte. On y brevette les logiciels, le vivant, mais aussi les méthodes d'affaires. Sous ce vocable un peu abscon se cache tout simplement une idée de commerce. Ainsi, celle du loueur de DVD californien Netflix qui propose de recevoir des films à domicile sur abonnement. Le client se connecte sur le site de la firme, choisit ce qu'il désire voir et reçoit les DVD par la poste. Une fois la séance terminée, il renvoie la galette dans une enveloppe pré-timbrée. Et le cinéphile peut regarder autant de films qu'il le désire contre un forfait mensuel. L'idée, astucieuse, a donné un coup de vieux aux classiques vidéoclubs qui obligent leurs clients à se déplacer jusqu'au magasin. Netflix a séduit plus d'un million d'Américains en moins de 4 ans d'existence. Est-ce pour autant une invention protégeable ? Oui. La firme a obtenu un brevet délivré par l'Office américain en juin 2003, estimant que le principe était assez original pour mériter une telle gratification. Cela signifie que Netflix détient un monopole de 20 ans aux États-Unis sur la location de films via l'Internet. Pour les concurrents apparus dans son sillage, ce brevet est une véritable menace. La société californienne peut leur intenter un procès, leur interdire de copier son business ou leur demander un pourcentage de leur chiffre d'affaires. Si les géants du secteur comme Blockbuster ou Walmart disposent de moyens suffisants pour jouer l'attentisme et risquer un procès, aucune PME n'aura cette témérité. Les brevets sur les méthodes commerciales interdisent de facto l'imitation d'une bonne idée d'entreprise. On imagine rétrospectivement la fortune qu'aurait pu amasser le premier toiletteur pour chien, le premier fast-food, la première compagnie aérienne commerciale, et dès lors la difficulté de créer sa propre entreprise dans un monde économique ainsi hérissé de barrières. La méthode commerciale n'a plus vocation à être brevetée qu'une méthode synergétique ou une méthode amoureuse, raille le professeur de droit Michel Vivant. Il serait trop facile de se gausser de cette dérive américaine. Si officiellement l'Office européen des brevets refuse les méthodes commerciales et prétend limiter ses attributions au domaine technique, n'importe quel solipsisme superficiellement plausible, selon l'expression de David Vavé, suffit à lever ses préventions. En l'occurrence, une présentation artificiellement technique d'une méthode commerciale permet d'obtenir un brevet, comme on a pu le constater avec le fameux achat en un clic du supermarché en ligne Amazon, où le magasin stocke les coordonnées et le numéro de carte bancaire du client, lui permettant par la suite de confirmer un achat d'un seul geste. Très contesté aux États-Unis, ce brevet de méthode commerciale a pourtant été accepté en Europe car il mettait en jeu un ordinateur et une base de données.